génération a déjà fait le tour. J'parle pas des anciens, j'perce cool en attendant, j'reste en yens. Le temps passe, j'vois plus le temps que j'perds. J't'en perds, même sous les rats, tu crois pas que t'es plus vieux que ton père. Ton vécu se ligue dans tes bulles d'air. Range-moi tes trophées, tu gardes du pulsaire quand j'viens de gonfler. Y'a trop de trucs qui se disent pas, pourtant ça me démange. J'suis trop bon, ça me dérange quand t'as affaire qu'à tes manches. J'entasse les déceptions et tu demandes pourquoi j'garde mes distances. J'ai le pardon facile, pas la rancœur inexistante. J'ai pardonné sans reprendre, alors j'ai pas repentir. J'ai passé le temps d'être apprenti et puis j'ai compris que personne t'aide à monter la pente. Malgré les efforts, tu peux apporter l'attente. D'un retour et peu un visage, à valeur en visage humble. Des joies et déceptions brèves et je suis un de ces cons qui ne lâche pas l'affaire, qui ne lâche pas les frères. Même si peu ne cache pas les frais. Hey, j'crois qu'on peut se faire la malle, mais trop profite et ça peut faire la malle. Hey, mais je suis un combattant pour des principes. Mais y'a pas de prince ici, mais chercher le respect, un prix tout si participé par d'ici. Des mains, décidément, la facilité des bons à rien, indécidément. Et décidément, rien n'aura changé. Mais je suis trop bon à croire si, et trop con à essayer d'échanger. Et à proximité, je peux me limiter, me préserver ce qui m'est bloqué pour connerie d'humilité. J'entasse les déceptions et tu te demandes pourquoi je garde mes distances. J'ai le pardon facile, pas la rancœur inexistante. Range ta confiance si tu veux pas que ta bonté on dépouille. Car les vrais potos se font aussi rares que les cons des cons des couilles. Par expérience, business, amitié sont incompatibles. Derrière des visages sympathiques peuvent se cacher des impratiques. C'est ça le batif, c'est ma victoire que les coups de pouce laissent place au coup. Gardez que tu crois que les gens t'ont dans leur cœur, non tu l'as dans le cul. Tout se fait au cul, les gens sont peu sincères donc je protège mes arrières. Au fil du temps, j'hérite un regard noir pour créer des barrières. Donc je reste seul avec la vue de ma tête comme seul décor. Combattre ce nœud que je traîne à l'estomac n'est même plus dans mes cordes. La haine, c'est l'émotion depuis que j'entasse les déceptions. Même si la vie n'est pas un cours, moi je n'ai plus de mal à en tirer des sons. Tout ça fallait que je le dise en quelques mots. Voilà ma pose implose. Et quand on se croit soudé, la loi du chacun pour sa pose impose. J'entasse les déceptions et tu te